Après 15 ans de grands travaux, votre demeure est enfin habitable. À part peut-être le grand salon qui ressemble encore à une étable. Quoi qu'il en soit, vous êtes heureux, vous faites trois beaux enfants à votre compagne. Pour eux, rien de mieux qu'un terrain de jeu, qu'une grande maison à la campagne. Voilà, c'est fini. Une autre. Bon, ok. Je vais vous interpréter ma première chanson en plage 36.